Ami humain, bonjour. Un sacré tour de cochon. Écoutez. Cet étrange animal, le cochon, provoque tant d'antagonisme qu'il est temps de se pencher sur son cas. Détesté par les uns, considéré comme impur, voire tabou, chez les musulmans et les juifs, et adoré par d'autres qui déclarent sans ambages, tout est bon dans le cochon est pris aujourd'hui dans une tourmente sociale et financière. S'il faut en croire Michel Pastoureau qui s'exprimait sur l'antenne de France Culture le 9 août dernier, dans l'émission « Les animaux ont aussi leur histoire », le cochon n'a pas toujours subi ce désamour. Aujourd'hui, on le méprise, le déclarant sale, goinfre, impur, mais auparavant, il était considéré comme porte-bonheur, puisqu'on s'envoyait des cartes postales le représentant tout rose, tout propre, accompagné d'un trèfle à quatre feuilles. L'argument hygiéniste, avançant que, sous des climats chauds, cette viande s'abîmerait facilement, n'est plus retenu par les scientifiques, d'autant qu'il s'appliquerait à tous les autres animaux dont les humains se nourrissent parfois, le bœuf, le mouton, etc. De plus, les chercheurs affirment qu'il est l'animal le plus intelligent de tous les animaux de ferme. Ceux de l'université de Cambridge ont démontré qu'il a conscience de sa propre existence, il est, tout comme les grands singes, capable de reconnaître son reflet. Cet animal, domestiqué tardivement, il y a 10 000 ans, puisqu'il n'a pu cohabiter avec l'homme que lorsque celui-ci s'est sédentarisé, présente des similitudes troublantes avec l'être humain, d'autant qu'il partage avec nous 95% de notre ADN, raison pour laquelle on l'utilise couramment en médecine pour des greffes diverses. Il y a, d'après les scientifiques, un cousinage indiscutable entre l'homme et le porc, et ce serait l'une des raisons du rejet qu'en font certains. De plus, il est le seul animal, avec l'être humain, à avoir une peau sensible aux coups de soleil. Ajoutons que ceux qui connaissent le goût de la chair humaine affirment qu'elle est identique à celle du cochon. Au-delà de cette viande dont on fait des terrines, et dont les côtes animent nos barbecues, au-delà de ses filets si délicats, son sang permet la fabrication du boudin, et du jambon aux épaules, il est champion toute catégorie en matière de charcuterie. N'oublions pas sa peau qui devient cuir, ses os dont on tire de la colle, ses poils, les fameuses soies, qui font les pinceaux des artistes. Ce qui a fait dire à Charles Moncelet dans un sonnet devenu culte, car tout est bon en toi, chair, graisse, muscles, tripes, on t'aime galantine, on t'adore boudin, ton pied, dont une sainte a consacré le type, empruntant son arôme au sol périgourdin, eut réconcilié Socrate avec Xanthippe. Et pourtant, pour certains, il est si tabou qu'il ne faut même pas, à l'instar de Dieu, prononcer son nom et pour définitivement le conspuer, il a été, au fil des siècles, déclaré vicieux, remplaçant au pied levé le chien qui détenait cette place peu enviée. On lui reproche d'être sale, et pourtant, un cochon en liberté est fier de sa jolie robe rose. On lui reproche de fouiller continuellement le sol avec son groin, ne dressant jamais la tête à la recherche d'un éventuel dieu, et pourtant, les amateurs de truffes sont bien contents de son aide, même si aujourd'hui, c'est le chien qui le remplace. Il est donc aujourd'hui rejeté par les musulmans et les juifs, et pourtant, c'était l'animal totem chez les Hébreux, tout comme chez les sympathisants du Front National, mais manifestement, c'est plus pour provoquer juifs et musulmans que pour d'autres raisons. Lien. D'ailleurs, ceux dont le cochon et le totem sont considérés très intelligents, affectueux, indépendants, et il est dit que leur richesse sera protégée. Ajoutons pour faire bonne mesure que les Grecs et les Romains le glorifiaient. On sait moins que le cochon, ou le sanglier, peuvent atteindre des poids considérables, l'un d'eux, abattu en forêt, affichait le poids d'une demi-tonne. Le champion, un porc taïwanais qui a dépassé les 900 kg, vient, après un gavage de 2 ans plus que discutable, qui ne lui permet plus de se déplacer, ce qui attire les foudres logiques des organismes qui défendent le droit des animaux, a été présenté lors du Gold Pig Festival. Cet animal revient donc aujourd'hui au premier plan de l'actualité, puisqu'une crise ouverte, pour ne pas dire une guerre, est déclarée entre les producteurs français et l'Europe, dont la réglementation permet, en Allemagne, en Espagne et ailleurs, de produire en quantité industrielle cet animal, lesquels producteurs ne se gênent pas d'employer de la main d'œuvre européenne bon marché, ce qui leur permet de proposer des prix qui mettent à mal la production française. sur l'antenne d'Europe 1, le chroniqueur Samuel Etienne pense tenir la solution en encourageant les consommateurs français à n'acheter que la qualité, lien, privilégiant les petits producteurs, lesquels font parfois de l'élevage en liberté, bien loin des énormes usines à viande pratiquées dans quelques pays européens. Il existe en effet, chez nos voisins outre-Rhin, des usines produisant parfois jusqu'à 10 000 porcs, ce qui les place en troisième position mondiale, juste après la Chine et les États-Unis, avec 60 millions de porcs découpés chaque année. Inutile d'expliquer que dans ces usines à viande, il est fait peu de cas de la santé de l'animal, et encore moins du respect qui lui est dû. Les 20 millions de mâles qui y naissent sont castrés sans anesthésie et sont nourris dans des enclos pendant 8 semaines, ce qui leur permet de grossir de 400 grammes par jour, jusqu'à parfois 850 gr quotidiens. Ces surcharges excessives provoquent de nombreuses fractures et il est fait appel quotidiennement aux antibiotiques, lesquels vont se retrouver dans la viande vendue dans nos grandes surfaces. Pire, dans quelques abattoirs, les animaux sont tronçonnés vivants, liens, et le plus souvent abattus sans étourdissement. On trouve dans ces centres de production de la main-d'œuvre roumaine, hongroise, polonaise, dont les salaires horaires peuvent descendre jusqu'à 3 euros, ce qui permet bien évidemment de vendre cette viande à des prix extrêmement bas, ce qui a généré la crise actuelle. En effet, si le gouvernement français a bien pris des mesures imposant un prix minimum à 1,40 euros, les plus gros acheteurs français, Bigard et Coperl, ne l'entendent pas de cette oreille et refusent de s'asseoir à la table de négociation, laquelle fixe ce prix, et font valoir que ce prix est « intenable pour les abattoirs », comparé au prix en Allemagne et en Espagne. Ceci dit, la Coperl condamnée pour fraude ne fait pas appel. Il serait tellement plus simple que l'Europe décide d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance européen, ce qui supprimerait bien des problèmes, mais au-delà de ces incohérences européennes qui, sous l'argument de la liberté du marché, permettent la production de la viande porcine à des prix si bas qu'ils font chuter les cours français de manière drastique, il y a aussi d'autres solutions. En effet, ceux qui pratiquent un élevage respectueux, souvent bio, avec des porcs souvent en liberté, ne recevant aucun traitement dégradant, sans utiliser des antibiotiques, vendent sans problème toute leur production à plus du double du prix minimum fixé par le gouvernement français. C'est ce qu'a constaté une équipe de France devenue interviewer un éleveur d'Ille-et-Vilaine, Philippe Duté, lequel s'est converti au bio et vend sans difficulté la viande produite à 3,50 euros le kilo. Le vent serait-il en train de tourner, car si demain, tous les producteurs proposent des produits respectueux de l'animal, appliquant une saine déontologie, l'offre sera-t-elle suffisante à la demande? Le porte-monnaie dicte sa loi, les producteurs et les consommateurs ne voient d'abord que leur intérêt. En tout cas, la question mérite d'être posée, mais dans le fond, manger sain et donc vivre en bonne santé ne peut pas être contre-productif, et nos services sociaux, sécurité sociale en tête, ne pourraient que s'en réjouir. Toujours est-il que les tenants de la production alimentaire industrielle voient parfois leurs bénéfices chuter considérablement et pourraient bientôt se demander s'il ne faudrait pas changer le fusil d'épaule. Certaines boissons pétillantes à base de cola ont chuté de 14% en un seul trimestre lien, et le bénéfice net du groupe Coca-Cola a dégringolé de 55% au quatrième trimestre 2014. L'un des champions du fast-food, McDo, pour ne pas le nommer, a enregistré une chute vertigineuse de 30% aux USA. Monsanto n'est pas en bonne santé et connaît aussi quelques problèmes. Plus d'un Français sur deux serait en train de changer ses habitudes de consommation et l'économie du partage devient un nouveau mode de consommation. Cela finira-t-il en « eau de boudin, cochon qui s'en dédie », car comme dit mon vieil ami africain, il vaut mieux tondre le mouton que le cochon. Merci aux internautes pour leur aide précieuse. Olivier Cabanel. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.